chapitre 25, première partie, des essais de Montaigne. Livre premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Essai par Michel Ekuem de Montaigne, livre premier, chapitre 25, de l'institution des enfants. Première partie. À Madame Diane de Foix, comtesse de Gurson. Je ne vis jamais père, pour bosser ou teigneux, que fut son fils, qui lassa de l'avouer. Non pourtant, s'il n'est du tout enivré de cette affection, qu'il ne s'aperçoive de sa défaillance, mais tant il y a qu'il est sien. Aussi moi, je vois mieux que tout autre, que ce ne sont ici que rêveries d'homme qui n'a goûté des sciences que la croûte première en son enfance, et n'en a retenu qu'un général et informe visage. Un peu de chaque chose, et rien du tout, à la française. Car en somme, je sais qu'il y a une médecine, une jurisprudence, quatre parties en la mathématique, et grossièrement ce à quoi elle vise. Et à l'aventure encore, sais-je la prétention des sciences en général au service de notre vie. Mais d'y enfoncer plus avant, de mettre ronger les ongles à l'étude d'Aristote, monarque de la doctrine moderne, ou opiniâtre après quelques sciences, je ne l'ai jamais fait. Ni n'est d'art de quoi je susse peindre seulement les premiers linéaments. Et n'est pas enfant des classes moyennes qui ne puisse dire plus savant que moi, que je n'ai seulement pas de quoi l'examiner sur sa première leçon. Et si l'on m'y force, je suis contraint assez ineptement d'en tirer quelques matières de propos universels, sur quoi j'examine son jugement naturel, leçon qui leur est autant inconnue comme à moi la leur. Je n'ai dressé commerce avec aucun livre solide, sinon Plutarque et Sénèque, où je puise comme les Danaïdes, remplissant et versant sans cesse. J'en attache quelque chose à ce papier, à moi, si peu que rien. L'histoire, c'est mon gibier, en matière de livres, ou la poésie, que j'aime d'une particulière inclination. Car, comme disait Cléante, tout ainsi que la voix, contrainte dans l'étroit canal d'une trompette, sort plus aiguë et plus forte, ainsi me semblait-il que la sentence, pressée aux pieds nombreux de la poésie, s'élance bien plus brusquement et me fière d'une plus vive secousse. Quant aux facultés naturelles qui sont en moi, de quoi c'est ici l'essai, je les sens fléchir sous la charge. Mes conceptions et mon jugement ne marchent qu'à tâtons, chancelant, bronchant et chopant. Et quand je suis allé le plus avant que je puis, si ne me suis-je aucunement satisfait, je vois encore du pays au-delà, mais d'une vue trouble et en nuage que je ne puis demeurer. Et entreprenant de parler indifféremment de tout ce qui se présente à ma fantaisie, et n'y employant que mes propres et naturels moyens, s'il m'advient, comme il fait souvent, de rencontrer de bonnes fortunes dans les bons auteurs ces mêmes lieux que j'ai entrepris de traiter, comme je viens de faire chez Plutarque tout présentement son discours de la force de l'imagination, à me reconnaître au prix de ces gens-là, si faibles et si chétifs, si poison et si endormis, je me fais pitié ou dédain à moi-même. Si me gratifie-je de ceci, que mes opinions ont cet honneur de rencontrer souvent aux leurs, et que je vois au moins de loin après, disant que voir aussi que j'ai cela, que chacun n'a pas de connaître l'extrême différence d'entre eux et moi, et laisse, ce néanmoins, courir mes inventions, ainsi faibles et basses comme je les ai produites, sans en replâtrer et recoudre les défauts que cette comparaison m'y a découverts. Il faut avoir les reins bien fermes pour entreprendre de marcher front à front avec ces gens-là. Les écrivains indiscrets de notre siècle, qui parmi leurs ouvrages de néant vont semant des lieux entiers des anciens auteurs pour se faire honneur, font le contraire, car cette infinie dissemblance de lustre rend un visage si pâle, si terni et si laid à ce qui est leur, qu'ils s'y perdent beaucoup plus qu'ils n'y gagnent. C'étaient deux contraires fantaisies. Le philosophe Chrysippus mêlait à ses livres non les passages seulement, mais des ouvrages entiers d'autres auteurs, et en un, la Médée, d'Euripidès, et disait Apollodorus que « qui en retrancherait ce qu'il y avait d'étranger, son papier demeurerait en blanc. » Épicurus, au rebours, en 300 volumes qu'il laissa, n'avait pas mis une seule allégation. Il m'advint, l'autre jour, de tomber sur un tel passage. J'avais traîné languissant après des paroles françaises si exangues, si décharnées et si vides de matière et de sens que ce n'était voirement que paroles françaises. Au bout d'un long et ennuyeux chemin, je vins à rencontrer une pièce haute, riche et élevée jusqu'aux nuées. Si j'eusse trouvé la pente douce et la montée un peu allongée, cela eût été excusable. C'était un précipice si droit et si coupé que des six premières paroles, je connus que je m'envolais en l'autre monde. De là, j'ai découvert la fondrière d'où je venais, si basse et si profonde que je n'eus honte puis le cœur de m'y ravaler. Si j'étoffais l'un de mes discours de ces riches dépouilles, il éclairerait par trop la bêtise des autres. Reprendre en autrui mes propres fautes ne me semble non plus incompatible que de reprendre, comme je fais souvent, celles d'autrui en moi. Il les faut accuser partout et leur ôter tout lieu de franchise. Si sais-je combien audacieusement j'entreprends moi-même, à tout coup, de m'égaler à mes larcins, d'aller pair à pair quant à eux, non sans une téméraire espérance que je puisse tromper les yeux des juges à les discerner. Mais c'est autant par les bénéfices de mon application que par les bénéfices de mon invention et de ma force. Et puis, je ne lutte point, en gros, ces vieux champions-là, à corps, c'est par reprise, menue et légère atteinte. Je ne m'y heurte pas, je ne fais que les tâter, et ne vois point tant comme je marchande d'aller. Si je leur pouvais tenir palo, je serais honnête homme, car je ne les entreprends que par où ils sont les plus raides. De faire ce que j'ai découvert d'aucun, se couvrir des armes d'autrui, jusqu'à ne montrer pas seulement le bout de ses doigts, conduire son dessein, comme il est aisé aux savants, en une matière commune, sous les inventions anciennes rapiécées par-ci, par-là, à ceux qui les veulent cacher et faire propre. C'est premièrement injustice et lâcheté que n'ayant rien en leur vaillant par où se produire. Ils cherchent à se présenter par une valeur purement étrangère. Et puis, grande sottise, se contentant par piperie de s'acquérir l'ignorante approbation du vulgaire, se décrier envers les gens d'entendement qui hochent du nez cette incrustation empruntée, desquelles seule la louange a du poids. De ma part, il n'est rien que je veuille moins faire. Je ne dis les autres, sinon pour autant plus me dire. Ceci ne touche pas les centons qui se publient pour centons. Et j'en ai vu de très ingénieux en mon temps, entre autres un sous le nom de Calipulus. Outre les anciens, ce ne sont des esprits qui se font voir, et par ailleurs, et par là, comme Lipsius en ce docte et laborieux tissu de ses politiques. Quoi qu'il en soit, veux-je dire, et quelles que soient ses inepties, je n'ai pas délibéré de les cacher, non plus comme un portrait chauve et grisonnant où le peintre aurait mis non un visage parfait, mais le mien. Car aussi, ce sont ici mes humeurs et opinions. Je les donne pour ce qui est en ma croyance, non pour ce qui est à croire. Je ne vise ici qu'à découvrir moi-même, qui serait par aventure autre demain, si nouvel apprentissage me change. Je n'ai point l'autorité d'être cru, ni ne le désire, me sentant trop mal instruit pour instruire autrui. Quelqu'un donc, ayant vu l'article précédent, me disait chez moi, l'autre jour, que je me devais être un petit étendu sur les discours de l'institution des enfants. Or, madame, si j'avais quelque suffisance en ce sujet, je ne pourrais la mieux employer que d'en faire un présent à ce petit homme qui vous menace de faire tantôt une belle sortie de chez vous, où vous êtes trop généreuse pour commencer autrement que par un mal, car ayant eu tant de part à la conduite de votre mariage, j'ai quelques droits et intérêts à la grandeur et prospérité de tout ce qui en viendra, outre ce que l'ancienne possession que vous avez sur ma servitude m'oblige assez à désirer honneur, bien et avantage à tout ce qui vous touche. Mais à la vérité, je n'y entends sinon cela que la plus grande difficulté et importante de l'humaine science semble être en cet endroit, où il se traite de la nourriture et institution des enfants. Tout ainsi qu'en l'agriculture, les façons qui vont avant le planter sont certaines et aisées, et le planter même. Mais depuis que ce qui est planté vient à prendre vie, à l'élever, il y a une grande variété de façons et difficultés. Pareillement aux hommes, il y a peu d'industrie à les planter, mais depuis qu'ils sont nés, on se charge d'un soin divers, plein d'embesognements et de craintes à les dresser et nourrir. La montre de leur inclination est si tendre en ce bas âge et si obscure, les promesses si incertaines et fausses, qu'il est malaisé d'y établir aucun solide jugement. Voyez Simon, voyez Thémistocles, et mille autres, combien ils se sont disconvenus à eux-mêmes. Les petits des ours et des chiens montrent leur inclination naturelle, mais les hommes, se jetant incontinent en des accoutumances, en des opinions, en des lois, se changent ou se déguisent facilement. Si est-il difficile de forcer les propensions naturelles. D'où il advient que par faute d'avoir bien choisi leur route pour n'ayant ce travail ont souvent, et emploient, l'ont beaucoup d'âge à dresser des enfants aux choses auxquelles ils ne peuvent prendre pied. Toutefois, en cette difficulté, mon opinion est de les acheminer toujours aux meilleures choses et plus profitables, et qu'on se doit peu appliquer à ces légères divinations et pronostics que nous prenons des mouvements de leur enfance. Platon, en sa République, me semble leur donner trop d'autorité. Madame, c'est un grand ornement que la science et un outil de merveilleux service, notamment aux personnes élevées en tel degré de fortune comme vous êtes. À la vérité, elle n'a point son vrai usage en main vile et basse. Elle est bien plus fière de prêter ses moyens à conduire une guerre, à commander un peuple, à pratiquer l'amitié d'un prince ou d'une nation étrangère, qu'à dresser un argument dialectique ou à plaider un appel ou ordonner une masse de pilules. Ainsi, madame, parce que je crois que vous n'oublierez pas cette partie en institution des vôtres, vous qui en avez savouré la douceur et qui êtes d'une race lettrée, car nous avons encore les écrits de ces anciens comtes de foi, d'où monsieur le comte, votre mari, et vous êtes descendus, et François, monsieur de Candale, votre oncle, en fait naître tous les jours d'autres qui étendront la connaissance de cette qualité de votre famille à plusieurs siècles. Je vous veux dire là-dessus une seule fantaisie que j'ai. Contraire au commun usage, c'est tout ce que je puis conférer à votre service en cela. La charge du gouverneur que vous lui donnez, du choix duquel dépend tout l'effet de son institution, elle a plusieurs autres grandes parties. Mais je n'y touche point pour n'y savoir rien apporter qui vaille. Et de cet article sur lequel je me mêle de lui donner avis, il m'en croira autant qu'il y verra d'apparence. À un enfant de maison qui recherche les lettres, non pour le gain, car une fin si abjecte est indigne de la grâce et faveur des muses, et puis elle regarde et dépend d'autrui, ni tant pour les commodités externes que pour les siennes propres, et pour s'en enrichir et parer au-dedans, ayant plutôt envie d'en réussir, habile homme comme savant, je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu'on y requît tous les deux, mais plus les mœurs et l'entendement que la science, et qu'il se conduisît en sa charge d'une nouvelle manière. on ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir, et notre charge, ce n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais qu'il corrigeât cette partie, et que de belle arrivée, selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commençât à la mettre sur la montre, lui faisant goûter les choses, les choisir et discerner d'elle-même, quelquefois lui ouvrant chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Socrate, et depuis Arcésilaus, faisait premièrement parler leurs disciples, et puis il parlait à eux. Obest plerumque iis, qui desere volunt, autoritas eorum qui docent. Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son train et juger jusqu'à quel point il se doit ravaler pour s'accommoder à sa force. À faute de cette proportion, nous gâtons tout. Et de la savoir choisir et s'y conduire bien mesurément, c'est une des plus ardues besognes que je sache. Et c'est l'effet d'une haute âme et bien forte, savoir condescendre à ses allures puériles et les guider. Je marche plus sûr et plus ferme à mon caval. Ceux qui, comme notre usage porte, entreprennent d'une même leçon et pareille mesure de conduite, régenter plusieurs esprits de si diverses mesures et formes, ce n'est pas merveille si en tout un peuple d'enfants, ils en rencontrent à peine deux ou trois qui rapportent quelques justes fruits de leur discipline. Qu'ils ne lui demandent pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais de sa vie. Que ce qu'il viendra d'apprendre, il le lui fasse mettre en 100 visages et accommoder à autant de divers sujets pour voir s'il a encore bien pris et bien fait sien, prenant l'instruction de son progrès des pédagogismes de Platon. Ces témoignages de crudité et indigestion que de regorger la viande comme on l'a avalée. L'estomac n'a pas fait son opération, s'il n'a fait changer la façon et la forme à ce qu'on lui avait donné à cuire. Notre âme ne branle qu'à crédit, liée et contrainte à l'appétit des fantaisies d'autrui, serve et captivée sous l'autorité de leurs leçons. On nous a tant assujettis aux cordes que nous n'avons plus de franche allure. Notre vigueur et liberté est éteinte. Nunquam tuta lei sui fiunt. Je vis privément à Pise un honnête homme, mais si aristotélicien que le plus général de ses dogmes est que la touche et règle de toute imagination solide et de toute vérité, c'est la conformité à la doctrine d'Aristote, que hors de là, ce ne sont que chimères et inanités, qu'il a tout vu et tout dit. Cette sienne proposition, pour avoir été un peu trop largement et iniquement interprétée, le mit autrefois éteint longtemps en grand accessoire à l'Inquisition à Rome. Qu'il lui fasse tout passer par l'estamine et ne loge rien en sa tête par simple autorité et à crédit. Les principes d'Aristote ne lui soient principes, non plus que ceux des stoïciens ou épicuriens. Qu'on lui propose cette diversité de jugement. Il choisira, s'il peut, sinon il en demeurera en doute. Que nomen que saper, dubier magrata. Car s'il embrasse des opinions de Xénophone et de Platon par son propre discours, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes. Qui suit un autre, il ne suit rien, il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. Non sumus sub regie, sibi quisque se vindicet. Qu'ils sachent qu'il sait au moins. Il faut qu'ils imboivent leurs humeurs, non qu'ils apprennent leurs préceptes, et qu'il oublie hardiment, s'il veut, d'où il les tient, mais qu'il se les sache approprier. La vérité et la raison sont communes à un chacun, et ne sont plus à qui les a dit premièrement, qu'à qui les dit après. Ce n'est non plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi l'entendons et voyons de même. Les abeilles pilotent de ça, de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus thym, ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement, son institution, son travail et étude ne visent qu'à le former. Qu'il scelle tout ce de quoi il a été secouru et ne produise que ce qu'il en a fait. Les pilleurs, les emprunteurs mettent en parade leur bâtiment, leur achat, non pas ce qu'ils tirent d'autrui. Vous ne voyez pas les épices d'un homme de parlement. Vous voyez les alliances qu'il a gagnées et honneur à ses enfants. Nul ne met en compte public sa recette. Chacun y met son naquet. Le gain de notre étude, c'est en être devenu meilleur et plus sage. C'est, disait Épicarmus, l'entendement qui voit et qui est. C'est l'entendement qui approfite tout, qui dispose tout, qui agit, qui domine et qui règne. Toutes autres choses sont aveugles, sourdes et sans âme. Certes, nous le rendons servile et couard, pour ne lui laisser la liberté de ne rien faire de soi. Qui demanda jamais à son disciple ce qu'il lui semble de la rhétorique et de la grammaire de telle ou telle sentence de Cicéro? On nous les plaque en la mémoire toutes empennées, comme des oracles, où les lettres et les syllabes sont de la substance et la chose. Savoir par cœur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Ce qu'on sait droitement, on en dispose, sans regarder au patron, sans tourner les yeux vers son livre. Fâcheuse suffisance qu'une suffisance pure livresque. Je m'attends qu'elle serve d'ornement, non de fondement, suivant l'avis de Platon qui dit « La fermeté, la foi, la sincérité, être la vraie philosophie, les autres sciences et qui visent ailleurs, n'être que phare. Je voudrais que le Paluel ou Pompée, ces beaux danseurs de mon temps, apprennent des caprioles à les voir seulement faire, sans nous bouger de nos places, comme ceux-ci veulent instruire notre entendement sans l'ébranler, ou qu'on nous apprit à manier un cheval, ou une pique, ou un luth, ou la voix, sans nous y exercer, comme ceux-ci nous veulent apprendre à bien juger et à bien parler, sans nous exercer à parler ni à juger. Or, à cet apprentissage, tout ce qui se présente à nos yeux sert de livre suffisant. La malice d'un page, la sottise d'un valet, un propos de table, ce sont autant de nouvelles matières. À cette cause, le commerce des hommes y est merveilleusement propre, et la visite des pays étrangers, non pour en rapporter seulement, à la mode de notre noblesse française, combien de pas à Santa Rotonda, ou la richesse des caleçons de la signora Livia, ou comme d'autres, combien le visage de Néron, de quelque vieille ruine de là, est plus long ou plus large que celui de quelque pareille médaille, mais pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. Je voudrais qu'on commençât à le promener dès sa tendre enfance et premièrement pour faire d'une pierre deux coups, par les nations voisines où le langage est plus éloigné du nôtre et auquel, si vous ne la formez de bonne heure, la langue ne se peut plier. Aussi bien est-ce une opinion reçue d'un chacun que ce n'est pas raison de nourrir un enfant au giron de ses parents. Cet amour naturel les attendrit trop et relâche. Voir les plus sages, ils ne sont capables ni de châtier ses fautes, ni de le voir nourri grossièrement comme il faut et hasardeusement. Ils ne le sauraient souffrir revenir suant et poudreux de son exercice, boire chaud, boire froid, ni le voir sur un cheval rebours, ni contre un rude tireur le floret au poing, ou la première arquebuse. Car il n'y a remède qui en veut faire un homme de bien. Sans doute il ne le faut épargner en cette jeunesse, et faut souvent choquer les règles de la médecine. Vitam quae sub dio et trépidis agat in rebus. Ce n'est pas assez de lui raidir l'âme. Il lui faut aussi raidir les muscles. Elle est trop pressée si elle n'est secondée et a trop à faire de seule fournir à deux offices. Je sais combien a Anne la mienne en compagnie d'un corps si tendre, si sensible, qui se laisse si fort aller sur elle, et aperçoit souvent, en malaison, quand leurs écrits mes maîtres font valoir, pour magnanimité et force de courage, des exemples qui tiennent volontiers plus de l'épaississure de la peau et dureté des os. J'ai vu des hommes, des femmes et des enfants ainsi nés qu'une bâtonnade l'aurait moins qu'à moi une chiquenaude, qui ne remue ni langue ni sourcils au coup qu'on leur donne. Quand les athlètes contrefront les philosophes en patience, c'est plutôt vigueur des nerfs que de cœur. Or, l'accoutumance à porter le travail est accoutumance à porter la douleur. Labor calum obducit dolori. Il faut rompre à la peine et apprêter des exercices. Pour les dresser à la peine et apprêter de la dislocation, de la colique, du cotère et de la géole aussi, et de la torture, car de ces derniers ici, encore peut-il être en prise, qui regarde les bons selon le temps comme les méchants. Nous en sommes à l'épreuve. Quiconque combat les lois menace les plus gens de bien dégourger et de la corde. Et puis, l'autorité du gouverneur, qui doit être souveraine sur lui, s'interrompt et s'empêche par la présence des parents. Joint que ce respect que la famille lui porte, la connaissance des moyens et grandeur de sa maison ne sont pas, à mon opinion, légères incommodités en cet âge. En cette école du commerce des hommes, j'ai souvent remarqué ce vice, qu'au lieu de prendre connaissance d'autrui, nous ne travaillons qu'à la donner de nous, et sommes plus en peine de débiter notre marchandise que d'en acquérir de nouvelles. Le silence et la modestie sont qualités très commodes à la conversation. On dressera cet enfant à être épargnant et ménager de sa suffisance. Quand il l'aura acquise, à ne se formaliser point des sottises et fables qui se diront en sa présence, car c'est une incivile importunité de choquer tout ce qui n'est pas de notre appétit. Qu'il se contente de se corriger soi-même et ne semble pas reprocher à autrui tout ce qu'il refuse à faire, ni contraster aux mœurs publiques. Licet sapere sine pompa, sine invidia. Fuis ces images régenteuses et inciviles, et cette puérile ambition de vouloir paraître plus fin, pour être autre, et comme si ce fût marchandise malaisée que répréhension et nouveauté, vouloir tirer de là nom de quelque péculière valeur. Comme il n'affiere qu'aux grands poètes d'user des licences de l'art, aussi n'est-il supportable qu'aux grandes âmes et illustres de se privilégier au-dessus de la coutume. Si quid Socrates aut Aristippus contra morem et consuetudinem fecerunt. Idem sibi ne arbitretur licere, magnis enim illi et divinis bonis anc licentiam assequibantur. On lui apprendra de n'entrer en discours et contestation que là où il verra un champion digne de sa lutte, et la même à n'employer pas tous les tours qui lui peuvent servir, mais ceux-là seulement qui lui peuvent le plus servir. Qu'on le rende délicat au choix et triage de ses raisons, et aimant la pertinence et par conséquent la brièveté. Qu'on l'instruise surtout à se rendre et à quitter les armes à la vérité, tout aussitôt qu'il l'apercevra, soit qu'elle naisse en main de son adversaire, soit qu'elle naisse en lui-même par quelque ravissement. Car il ne sera pas mis en chaise pour dire un rôle précrit. Il n'est engagé à aucune cause que parce qu'il l'approuve. Ni le sera du métier, où se vend à pur denier comptant la liberté de se pouvoir repentir et reconnaître. Ne quae ut omnia, qui prescripta et imperata sint, defendat necessitate ulla cogitur. Si son gouverneur tient de mon humeur, il lui formera la volonté à être très loyal serviteur de son prince, et très affectionné et très courageux. Mais il lui refroidira l'envie de s'y attacher autrement que par un devoir public. Outre plusieurs autres inconvénients qui blessent notre liberté par ses obligations particulières, le jugement d'un homme gagé et acheté, où il est moins entier et moins libre, où il est taché et d'imprudence et d'ingratitude. Un pur courtisan ne peut avoir ni loi ni volonté de dire et penser que favorablement d'un maître qui, parmi tant de milliers d'autres sujets, l'a choisi pour le nourrir et élever de sa main. Cette faveur et utilité corrompt, non sans quelque raison, sa franchise et l'éblouissent. Pourtant, voit-on coutumièrement le langage de ces gens-là diffère à tout autre langage en un état, et de peu de fois en telle matière. Que sa conscience et sa vertu reluisent en son parler, et n'est que la raison pour conduite. Qu'on lui fasse entendre que de confesser la faute qu'il découvrira en son propre discours, encore qu'elle ne soit aperçue que par lui, c'est un effet de jugement et de sincérité, qui sont les principales parties qu'il cherche. Que l'opiniâtré et contesté sont qualités communes, plus apparentes au plus bas âme. Que se raviser et se corriger, abandonner un mauvais parti sur le cours de son ardeur, ce sont qualités rares, fortes et philosophiques. On l'avertira, étant en compagnie, d'avoir les yeux partout, car je trouve que les premiers sièges sont communément saisis par les hommes moins capables, et que les grandeurs de fortune ne se trouvent guère mêlées à la suffisance. J'ai vu, cependant, qu'on s'entretenait à haut bout d'une table de la beauté d'une tapisserie ou du goût de la malvoisie, se perdre beaucoup de beaux traits à l'autre bout. Ils sont à la portée d'un chacun. Un bouvier, un maçon, un passant. Il faut tout mettre en besogne et emprunter chacun selon sa marchandise, car tout sert en ménage. La sottise même et faiblesse d'autrui lui sera instruction. À contre-rôler les grâces et façons d'un chacun, il s'engendrera envie des bonnes et mépris des mauvaises. Qu'on lui mette en fantaisie une honnête curiosité de s'enquérir de toutes choses. Tout ce qu'il y aura de singulier autour de lui, il le verra. Un bâtiment, une fontaine, un homme, le lieu d'une bataille ancienne, le passage de César ou de Charlemagne. Quetelus sit lentagelu, que potris ab estu, ventus in Italiam quis bene vela ferat. Il s'enquerra des mœurs, des moyens et des alliances de ce prince et de celui-là. Ce sont des choses très plaisantes à apprendre et très utiles à savoir. En cette pratique des hommes, j'entends y comprendre, et principalement, ceux qui ne vivent qu'en la mémoire des livres. Il pratiquera, par le moyen des histoires, ces grandes âmes des meilleurs siècles. C'est un vain étude qui veut, mais qui veut aussi. C'est une étude de fruits inestimables, et le seul étude, comme dit Platon, que les lacédémoniens eussent réservé à leur part. Quel profit ne fera-il, en cette part-là, à la lecture des vies de notre Plutarque? Mais que mon guide se souvienne où vise sa charge et qu'il n'imprime pas tant à son disciple la date de la ruine de Carthage que les mœurs d'Hannibal et de Scipion, ni tant où mourut Marcellus, que pourquoi il fut indigne de son devoir qu'il mourut là. Qui ne lui apprenne pas tant d'histoire qu'à en juger. C'est à mon gré, entre toutes, la matière à laquelle nos esprits s'appliquent de plus diverses mesures. J'ai lu en Tite Live 100 choses que tel n'y a pas lues. Plutarque y en a lu 100, outre ce que j'y ai su lire. Et à l'aventure, outre ce que l'auteur y avait mis, à d'aucuns, c'est un pur étude grammairien. À d'autres, l'anatomie de la philosophie par laquelle les plus abstruses parties de notre nature se pénètrent. Il y a dans Plutarque beaucoup de discours étendus très dignes d'être sus, car à mon gré, c'est le maître ouvrier de telle besogne. Mais il y en a mille qu'il n'a que touché simplement. Il guigne seulement du doigt par où nous irons, s'il nous plaît, et se contente quelquefois de ne donner qu'une atteinte dans le plus vif d'un propos. Il les faut arracher de là et mettre en place marchande, comme ce siamois, que les habitants d'Asie servaient à un seul pour ne savoir prononcer une seule syllabe, qui est « non ». Donna peut-être la matière et l'occasion à la Boétie de sa servitude volontaire. Cela même de lui voir trier une légère action en la vie d'un homme ou un mot qui semble ne porter pas cela, c'est un discours. C'est dommage que les gens d'entendement aiment tant la brièveté. Sans doute, leur réputation en vaut mieux. Mais nous en valons moins. Plutarque aime mieux que nous l'invention de son jugement que de son savoir. Il aime mieux nous laisser désir de soi que de satiété. Il savait que chez choses bonnes, même, on peut trop dire, et que Alexandridas reprochait justement à celui qui tenait aux efforts des bons propos, mais trop longs. « Ô étranger, tu dis ce qu'il faut autrement qu'il ne faut. » Ceux qui ont le corps grêle le grossissent d'embourrure. Ceux qui ont la matière exilent l'enflent des paroles. Il se tire une merveilleuse clarté pour le jugement humain, de la fréquentation du monde. Nous sommes tous contraints et amoncelés en nous, et avons la vue raccourcie à la longueur de notre nez. On demandait à Socrate d'où il était. Il ne répondit pas d'Athènes, mais du monde. Lui qui avait l'imagination plus pleine et plus étendue embrassait l'univers comme sa ville, jetait ses connaissances, sa société et ses affections à tout le genre humain, non pas comme nous, qui ne regardons que sous nous. Quand les vignes gèlent en mon village, mon prêtre en argumente l'ire de Dieu sur la race humaine et juge que la pépie en tient déjà les cannibales. À voir que nos guerres civiles qui ne crient que cette machine se bouleverse et que le jour du jugement nous prend au collet, sans aviser que plusieurs pires choses se sont vues et que les 10 000 parts du monde ne laissent pas d'égaler le bon temps cependant. Moi, selon leur licence et impunité, admire de les voir si douces et molles. À qui ils grêlent sur la tête, tout l'hémisphère semble être en tempête et orage. Et disait le Savoyard que, si ce sot de roi de France eût su bien conduire sa fortune, il était homme pour devenir maître d'hôtel de son duc. Son imagination ne concevait autre plus élevée grandeur que celle de son maître. Nous sommes insensiblement tous en cette erreur, erreur de grande suite et préjudice. Mais qui se présente comme dans un tableau cette grande image de notre mère nature en son entière majesté, qui lit en son visage une si générale et constante variété, qui se remarque là-dedans, et non soi, mais tout un royaume, comme un trait d'une pointe très délicate, celui-là seul estime les choses selon leur juste grandeur. Ce grand monde, que les uns multiplient encore comme espèce sous un genre, c'est le miroir où il nous faut regarder pour nous connaître de bons billets. Somme, je veux que ce soit le livre de mon écolier. Tant d'humeurs, de sectes, de jugements, d'opinions, de lois et de coutumes nous apprennent à juger sainement des nôtres et apprennent notre jugement à reconnaître son imperfection et sa naturelle faiblesse, qui n'est pas un léger apprentissage. Tant de remuements d'État et changements de fortune publique nous instruisent à ne faire pas grand miracle de la nôtre. Tant de noms, tant de victoires et conquêtes ensevelies sous l'oubliance rendent ridicule l'espérance d'éterniser notre nom par la prise de 10 argoulets et d'un pouillet, qui n'est pas connu que de sa chute. L'orgueil et la fierté de tant de pompes étrangères, la majesté si enflée de tant de cours et de grandeur, nous fermit et assure la vue à soutenir l'éclat des nôtres sans scier les yeux. Tant de milliards d'hommes enterrés avant nous nous encouragent à ne craindre d'aller trouver si bonne compagnie en l'autre monde, ainsi du reste. Notre vie, disait Pythagoras, retire à la grande et populeuse assemblée des yeux olympiques. Les uns s'y exercent le corps pour en acquérir la gloire des jeux, d'autres y portent des marchandises à vendre pour le gain. Il en est, et qui ne sont pas les pires, lesquels n'y cherchent autre fruit que de regarder comment et pourquoi chaque chose se fait, et être spectateur de la vie des autres hommes pour en juger et régler la leur. Aux exemples se pourront proprement assortir tous les plus profitables discours de la philosophie, à laquelle se doivent toucher les actions humaines comme à leurs règles. On lui dira « Quid fas optare, quid asper, utile numus habet, patria carisque popinquis. Quantum elargiri deseat, quem te deus esse. Jussit et humana qua parte locatus es in re, quis sumus aut quidnam victuri gignimur. Que c'est que ce savoir est ignoré qui doit être le but de l'étude. Que c'est que vaillance, tempérance et justice, ce qu'il y a à dire entre l'ambition et l'avarice, la servitude et la subjection, la licence et la liberté. À quelle marque on connaît le vrai et solide contentement, jusqu'où il faut craindre la mort, la douleur et la honte. Et quo quemque modo fugiatque feratque laborem. Quel ressort nous mouve, et le moyen de tant de divers branles en nous, car il me semble que les premiers discours, de quoi on lui doit abreuver l'entendement, se doivent être ceux qui règlent ses mœurs et son sens, qui lui apprendront à se connaître et à savoir bien mourir et bien vivre. Entre les arts libéraux, commençons par l'art qui nous fait libres. Elles servent toutes, voirement en quelque manière, à l'instruction de notre vie et à son usage, comme toute autre chose y servent en quelque manière aussi. Mais choisissons celle qui y sert directement et professoirement. Si nous savions restreindre les appartenances de notre vie à leurs justes et naturelles limites, nous trouverions que la meilleure part des sciences qui sont en usage est hors de notre usage, et en celles même qui le sont, qu'il y a des étendues et enfonçures très inutiles que nous ferions mieux de laisser là, et, suivant l'institution de Socrate, borner le cours de notre étude en celles où faut l'utilité. Sapere aude. Incipe vivendi recte qui prorogat oram, rusticus expectat dum defluat amnis ad ille, labitur et labitur in omne volubilis aevum. C'est une grande simplesse d'apprendre à nos enfants quid moveant pisces, animos aquae signa leonis, lotus et esperia quid capricornus aqua. La science des astres est le mouvement de la huitième sphère avant que les leurs propres. Ti pleiadesi chamois, ti dastrasin poteo. Anaximenes, écrivant à Pythagoras, de quel sens puis-je m'amuser au secret des étoiles, ayant la mort ou la servitude toujours présente aux yeux? Car lors, les rois de Perse préparaient la guerre contre son pays. Chacun doit dire ainsi, étant battu d'ambition, d'avarice, de témérité, de superstition, et ayant au-dedans tels autres ennemis de la vie, irai-je songer aux branles du monde? Après qu'on lui aura appris ce qui sert à le faire plus sage et meilleur, on l'entretiendra que c'est que logique, physique, géométrie, rhétorique, et la science qui choisira. Ayant déjà le jugement formé, il en viendra bientôt à bout. Sa leçon se fera tantôt par devis, tantôt par livre. Tantôt son gouverneur lui fournira de l'auteur même, propre à cette fin de son institution. Tantôt il lui en donnera la moelle et la substance toute mâchée. Et si, de soi-même, il n'est pas assez familier des livres pour y trouver tant de beaux discours qui y sont, pour l'effet de son dessein, on lui pourra joindre quelques hommes de lettres qui, à chaque besoin, fournissent les munitions qu'il faudra pour les distribuer et dispenser à son nourrisson. Et que cette leçon ne soit plus aisée et naturelle que celle de Gaza, qui y peut faire doute. Ce sont là les préceptes épineux et malplaisants et des mots vains et décharnés où il n'y a point de prise, rien qui vous éveille l'esprit. En cette-ci, l'âme trouve où mordre et où se paître. Ce fruit est plus grand sans comparaison et s'y sera plutôt mûri. C'est grand cas que les choses en soient là en notre siècle, que la philosophie soit jusqu'aux gens d'entendement un nom vain et fantastique qui se trouve de nul usage et de nul prix par opinion et par effet. Je crois que ces ergotismes en sont cause qui ont saisi ces avenues. On a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants et d'un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Qui me l'a masqué de ce faux visage, pâle et hideux? Il n'est rien plus gai, plus gaillard, plus enjoué, et à peu que je ne dis folastre, elle ne prêche que fête et bon temps. Une mine triste et transie montre que ce n'est pas là son gîte. Démétrius, le grammairien, rencontrant dans le temple de Delphes une troupe de philosophes assis ensemble, il leur dit « Ou je me trompe, ou, à vous voir la contenance si paisible et si gaie, vous n'êtes pas en grand discours entre vous. » À quoi l'un d'eux, Héracléon le mégarien, répondit « Cette affaire à ceux qui cherchent si le futur du verbe « ballo » a double « l » ou qui cherchent la dérivation des comparatifs « chéiron » et « beltion » et des superlatifs « chériston » et « beltiston » qu'il faut rider le front s'entretenant de leur science. Mais quant au discours de la philosophie, ils ont accoutumé d'égayer et réjouir ceux qui les traitent, non les renfrogner et contrister. Deprendas animi tormenta latentis in aegro. Corpore. Deprendas e gaudia. Sumit utrumque inde habitum facies. L'âme qui loge la philosophie doit, par sa santé, rendre sain encore le corps. Elle doit faire luire jusqu'au dehors son repos et son aise. Doit former à son moule le port extérieur et l'armer par conséquent d'une gracieuse fierté, d'un maintien actif et allègre, et d'une contenance contente et débonnaire. Fin du chapitre 25, première partie, lue par Agnès, Obi 2024.